Ça m'a sali, mais c'est rien. Je veux direction l'Italie. Des gars qui m'a banni. La jalousie des manies. Tout mano à mano. Touche pas la soeur qu'on manie. Faut pas le foutre dans le 4 anneaux. J'avais la Twingo. J'suis vite passé au SUV. J'suis reconnu dans toute la France. Mais j'oublie pas que j'viens des quartiers SUD. J'vais pas t'insulter. Là j'suis avec les potos, on fume la beuh, on boit du thé. Et on le verra si t'es futé, si c'est pas pour rien que j'ai douté. La la la, faut se tailler, c'est chaud par la la. Ils ont augmenté le pain et la calade. Elle vient plus d'Hollande, elle vient d'Espagne, la salade. Et je m'en vale, comme les frères en dalle. Ah, j'ai ma balle, comme les frères en dalle. Ah, j'ai ma balle, comme les frères en dalle. Et je salue tout ce qui me critique, le petit salaud. Je bois un verre, je dis pas t'es salaud. Au bout du tunnel, je vois la lumière qui s'allume. Je lève un T-Max sous la lune. Je pense aux problèmes toute la ligne. Ici ça te chalume, lui qui tire peut être ton ami. Faut pas oublier, faut pardonner. Faut rester sensé pour cartonner. Le style tu l'as reconnu, faut pas reprendre quand c'est donné. En prison, dans terre ou beau maître, mon sang donne de l'espoir en cellule. Ça se fait des ennemis et des collègues, des plans, des bons moyens de faire tourner la thune. Prends une maison à ta mère, t'es là, tu jettes tout à Balenciaga. Faut que tu te fais du souci pour moi. T'inquiète mon sang, ça va. T'inquiète, ça va. T'inquiète, ça va. Dédicace à tous mes potos qui sont là, qui sont toujours là. La la la la la la la la la. Et je m'en vale, comme les frères en dalle. Et je m'en vale, comme les frères en dalle. Ah, je m'en vale. Comme des dominos.